Nous sommes au bout de la digue nord du petit port à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Il est 10h37. Le temps est assez frais et couvert. Les montagnes sont couvertes de neige. Niveau d'enregistrement 90.